France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'est par le chemin de fer en provenance de Washington que le vieux sénateur Stoddart et sa femme Alice reviennent à Shinbone, petite ville de l'Ouest, pour l'enterrement de Tom Doniphan. Ainsi commence « L'homme qui tua Liberty Valance » de John Ford. Un peu plus tard, dans une remise, couverte de poussière et de toiles d'araignée, James Stewart, Stoddart, découvre la vieille diligence par laquelle, jeune homme de loi, il était arrivé à Shinbone. Relique d'un temps légendaire du Far West, dans lequel il tua le bandit Liberty. Ce qu'il n'a en réalité jamais fait, puisque c'est bien John Wayne Doniphan qui le fit. Mais les États-Unis d'Amérique avaient besoin de la légende du sénateur Stoddart et de quelques autres pour écrire leur histoire. À la fin du XIXe siècle, la conquête de l'Ouest est terminée. Le chemin de fer transcontinental relie la côte Est à la côte Ouest depuis 1869. En décembre 1890, à Wounded Knee, le 7e régiment de cavalerie massacre 200 Indiens Sioux, hommes, femmes et enfants, et leur chef, Bigfoot. Les guerres indiennes sont terminées. Même si des milliers de kilomètres carrés de terre sont encore inoccupés, le gouvernement des États-Unis peut annoncer qu'il n'y a plus de frontières. Relier l'Est à l'Ouest, 5e et dernier épisode de la fabuleuse épopée du Far West dans les nuits magnétiques en 1980. Nuit magnétique, good evening. La fabuleuse épopée du Far West. Une fois parvenus à destination, les pionniers devaient s'organiser pour survivre. Si le voyage représentait la partie la plus spectaculaire de l'aventure dans le Far West, les difficultés ne faisaient que commencer avec l'installation dans les grandes villes. Mais la crainte du retour était si vive chez les colons qu'elle leur donnait la force de résister à toutes les épreuves. Ceux qui n'avaient pas réussi dans les travaux des champs ou de la mine tâchaient de se livrer à quelque commerce, légal ou non. Bientôt, une sorte de société s'organisa. Société un peu particulière, généreusement arrosée de whisky et composée de 10 fois plus d'hommes que de femmes. Celles-ci ne se distinguaient guère de leurs compagnons, harnachées de la même manière, portant comme eux un pistolet à 6 coups, elles arboraient souvent, en guise de signe distinctif, un mouchoir attaché à leur manche. Maintenant, on peut dire que les États-Unis règnent de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Mais il reste tout cet ouest à vaincre, à conquérir, et il faut relier l'est à l'ouest. Or, voici qu'un événement inopiné se produit en Californie. En janvier 1848, Jean-Louis Rieu-Perru, un forgeron nommé Marshall, qui travaille dans la vallée de la Sacramento, au nord-est de San Francisco, découvre quelques pépites brillantes, quelque chose de brillant au fond de l'eau. Et il se trouve que c'était de l'or. Bouleverse évidemment Sutter et son quartier général, se répand très rapidement à San Francisco et c'est le début d'un mouvement dont tout le monde connaît l'importance et les bouleversements qu'il a apportés à la surface de la planète, la fameuse ruée vers l'or de 48-49. Moi je pense que c'est les Québécois qui veulent de l'or et qui se ruent vers l'endroit où il y a de l'or. On a découvert de l'or dans l'Eldorado. Et donc la ruée vers l'or, c'est les gens qui vont chercher cet or, qui laissent toute leur vie, qui emmènent toutes leurs affaires juste pour aller chercher cet or, alors qu'ils ne sont pas sûrs de la trouver. In a cavern, in a canyon, excavating for a mine. Lived a miner, 49er, and his daughter, Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry, Clementine. Light she was and like a fairy, and her shoes were number 9. Herring boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove her ducklings to the water every morning just at 9. Hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Ruby lips above the water, blowing bubbles soft and fine. Alas, for me, I was no swimmer, so I lost my Clementine. Oh, my darling, Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. In my dream she still doth haunt me, robed in garments soaked in brine. Though in life I used to hug her, now she's dead, I'll draw the line. Oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. 1849, le temps des 49ers, la naissance de San Francisco. Les grands voiliers qui partent de New York, qui contournent l'Amérique du Sud par le Cap Horn, qui remontent lentement vers San Francisco. 2 mois de voyage, on s'entasse à bord de ces voiliers, on ne rêve que d'une chose, franchir ce qu'on appelle la Porte d'Or, c'est-à-dire l'entrée de la baie de San Francisco, débarquer en toute hâte et aller aux mines, comme on disait, c'est-à-dire au-delà de la Sacramento, sur les flancs de la Sierra Nevada. Alors ici, San Francisco naît réellement. Ce qui n'était qu'un petit village de pêcheurs qui s'appelait Yerba Buena, avec 200 habitants environ, devient en l'espace de quelques semaines une ville grouillante, hurlante, turbulente, de plusieurs milliers d'habitants. Des habitants qui viennent de toutes les régions du monde. Une société cosmopolite qui va se disséminer selon les camps dans la montagne. La vie dans ces camps est une vie extrêmement pénible. Beaucoup de ces gens qui ont l'espoir de trouver de l'or reviennent à San Francisco vaincus, déçus, ruinés et souvent humiliés. Mais on trouve de l'or. On trouve de l'or en quantité. Les heureux, ceux qui ont de la chance, font fortune très rapidement. Et c'est aussi le départ ici de toute une période, le point de départ d'une période qui verra se modifier les techniques, s'améliorer ces techniques. La région va être de plus en plus exploitée. Et c'est une épopée qui a laissé sa place, on le sait, dans le folklore de l'Ouest. C'est la deuxième là-bas. Ah, merci. Mademoiselle Prescott, Mademoiselle Prescott. Plus tard. C'est extrêmement important. C'est toujours extrêmement important. Plus ils sont vieux, plus c'est important. Mademoiselle Prescott, s'il vous plaît, je m'appelle Seabury, je suis le notaire de Jonathan Brooks. Ça ne vous rappelle rien? Ce vieux satyre? Eh bien, vous deviez lui rappeler quelque chose, Mademoiselle Prescott. Pourquoi? Il vous a couché sur son testament. Évidemment, il faudrait que vous alliez en Californie pour recueillir l'héritage. Eh bien, écoutez, jamais je n'irai en Californie, même si on m'avait légué toute la ville de San Francisco. Je ne crois pas que M. Brooks ait eu des intérêts là-bas, mais le produit de la propriété qu'il vous laisse n'est pas à dédaigner. Et qu'est-ce qu'elle produit? De l'or, Mademoiselle Prescott, de l'or. De l'or? Précisément, vous avez hérité une mine d'or qui a rapporté $3,500 dès la première semaine. Une mine d'or? Les 59ers vont exister pendant environ 10 ans. Puis peu à peu, l'espoir va diminuer, les grosses compagnies vont prendre possession de ces zones aurifères, San Francisco ne cesse de se développer, et voici qu'en 1859, comme pour prendre la relève de cette première partie de l'épopée de l'or, on trouve de l'or au Nevada, exactement dans les monts Washoe, où naît une ville qui s'appellera Virginia, Virginia City. I ain't got no home nor nothing, I suppose. Misfortune seems to follow me wherever I goes. I come to California with a heart both stout and bold, and have been up to the diggings there to get some lumps of gold. But I'm a used up man, a perfect used up man, and if ever I get home again, I'll stay there if I can. I lives way down in Maine where I heard about the diggings, so I shipped aboard at Arundel Park commanded by Joe Higgins.

Mark Twain sera un très bon témoin, mais peut-être y a-t-il, dans le même temps et dans le même journal qu'il emploie, un autre homme qui a laissé des documents qui n'ont pas peut-être la saveur de ceux de Mark Twain, l'humour en moins, mais qui n'en manquait pas non plus, et qui s'appelait Dan DeQuille, qui a laissé un excellent récit de cette époque sous le titre Big Bonanza. C'est certainement la première documentation à consulter pour qui s'intéresse à cette histoire du Nevada et de la vie à Virginia City. Mark Twain, au Nevada en 1859, mais dans le même temps, comme si cette terre de l'Ouest était bénie des dieux, on trouve également de l'or au Colorado, et au sud de Denver, et dans les environs immédiats de Denver, dans les ravins, là encore, des hommes cherchent, des hommes trouvent, d'autres échouent, et c'est ainsi que se développe une petite ville qui s'appellera Denver, que se développeront de nombreux camps miniers et que toute une troisième période de cette épopée de l'or et de l'argent va avoir pour cadre précisément le Colorado. Nous sommes en 1859, 1860, l'Ouest est en train de changer. La Californie, le Nevada, le Colorado, voilà trois régions qui vont attirer des gens, attirer des pionniers, pas seulement des chercheurs d'or, et qui constitueront bientôt trois îlots de peuplement. La Californie est de plus en plus peuplée, il y a donc un peuplement à l'ouest, il y a un peuplement qui s'avance un peu au-delà le Mississippi et qui constitue le Kansas. Nous sommes dans une époque terrible, 1860, et c'est la veille de la guerre de sécession. La Californie prend part à celle-ci, se développe d'abord et vote en 1850 son entrée dans l'Union. Elle est acceptée, c'est une grande chance pour l'Union, pour la Fédération, pour le gouvernement de Washington, puisque la Californie c'est le réservoir de l'or, et l'or, l'argent, on en a besoin pour mener une guerre. Good guitar, the only things that I understand. traveled here and there, and I've learned that a bottle of brandy and a song are the only ones who care, oh Lord, the only ones who care. And I don't give a damn about a greenback dollar, spend it as fast as I can for a wailing song and a good guitar, the only things that I understand, oh yeah, the only things that I understand. Oh, some people say I'm a no account, others say I'm no good, but I'm just a natural born traveling man, doing what I think I should, oh yeah, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback dollar, spend it as fast as I can. That's all that I understand. En 1861 commence la guerre entre le Nord et le Sud, cette guerre que nous connaissons sous le nom de guerre de sécession. Le Nord, le Sud se battent, mais il faut relier ces régions-là à l'Ouest. L'Ouest, c'est la Californie, ce sont des îlots de peuplement dans les montagnes autour de Virginia City. C'est le centre du continent, les Rocheuses avec le Colorado. Eh bien, des hommes, justement, ont entrepris d'étudier les moyens par lesquels on pourrait relier le plus rapidement possible ces régions. Au moment même où les premiers coups de canon de la guerre de sécession sont tirés, un conflit fratricide va commencer, s'achève dans l'Ouest une entreprise étonnante, celle connue sous le nom de Pony Express, c'est-à-dire la fameuse poste à cheval. C'est-à-dire relier Saint-Joseph, qui a été réellement, tout au long de cette histoire des premiers temps de la conquête de l'Ouest, le point de départ de toutes les entreprises et les aventures, relier Saint-Joseph à San Francisco afin de porter du courrier le plus rapidement possible. Le Pony Express, pour moi, c'est vraiment le sac postal avant tout. Laurence Harley. Les tableaux de Remington, en fait, avec le type sur son cheval avec le chapeau qui est l'avant retroussé sur la tête. Ça n'a pas duré très très longtemps, en fait. Hein. C'était assez fascinant, mais très très court. On connaît l'histoire de ces cavaliers rapides qui, en l'espace de 10 jours, parcourent cette distance formidable. Et parmi ces cavaliers, un jeune homme, 15-16 ans à l'époque, et qui s'appelle William Frederick Cody, et qui deviendra célèbre sous le nom de Buffalo Bill. Le Pony Express a duré 18 mois. Il a transporté environ 30 000 lettres, des lettres écrites sur papier fin. C'était une entreprise qui a toujours été déficitaire pour ses créateurs, ses fondateurs, messieurs Russell, Majors et Weather. Russell, Majors et Weather avaient un nom dans l'Ouest. C'était les premiers grands transporteurs, ceux qui organisaient des convois de chariots bâchés pour le Colorado, pour le Nouveau-Mexique, pour traverser les plaines entre le Missouri et le Kansas. C'était des transporteurs professionnels, une immense entreprise d'ailleurs, où Cody, pour laquelle Cody avait déjà travaillé. Ainsi, les chariots bâchés de Russell, Majors et Weather, le Pony Express fondé par les mêmes, parcourait, traversait cet ouest à rythme assez, selon un rythme assez régulier, en même temps que la fameuse diligence. Deux noms sont importants dans l'histoire des diligences, c'est celui de Butterfield, celui de Ben Holiday. Et enfin, tout le monde a entendu parler des fameuses diligences de la Wells Fargo. Wells et Fargo, le nom de deux associés, qui fondèrent à San Francisco une entreprise de transport du courrier, puis de transport des passagers. Mais le courrier était spécialement destiné au camp des mines de la Sierra Nevada. Ces camps qui existaient à cette époque et qui étaient souvent très isolés pendant de longs mois, si bien que l'arrivée de la diligence Wells Fargo était toujours un événement. La diligence Wells Fargo était très appréciée des mineurs. Elle leur permettait d'être en relation avec le monde extérieur, avec leur famille. Et la diligence était toujours très bienvenue. Mais c'était aussi une cible pour certains qui pensaient que le coffre, le fameux coffre de la Wells Fargo, contenait des fortunes. Alors ce coffre de la Wells Fargo, la diligence Wells Fargo elle-même, on peut aujourd'hui les admirer au musée Wells Fargo à San Francisco. Et vous pouvez monter dans la diligence et être très informé sur la manière dont Wells Fargo étendit son réseau. Environ, vous savez, environ 100 ou 200 stations jusqu'aux camps les plus reculés des ravins de la Sierra Nevada. Wells Fargo, c'est un nom qui est demeuré célèbre dans toute l'histoire de la Californie. Aujourd'hui, il y a le musée de la Wells Fargo, qui est abrité par la banque Wells Fargo. Il s'agit d'une diligence, authentique bien sûr, qui date de 1880, et qui, elle, relayait différents États américains à cette époque, en traversant des territoires occupés par les Indiens. Et un détail piquant, dans cette diligence, il y a différents petits trous que l'on peut voir. Et en réalité, ces trous sont aussi authentiques que la diligence, car ce sont les pointes de flèches indiennes qui les ont créés. Wells Fargo, la diligence de l'Overland et bien entendu le télégraphe. En 1861, une première ligne télégraphique relie le Mississippi à la côte du Pacifique. Report Everett's building in sight. He had a brush with them last night. Says they're being stirred up by Geronimo. Geronimo? How do we know he isn't lying? No, he's a Cheyenne. They hate Apaches worse than we do. Clear the wire to Lordsburg. That's Lordsburg now, sir. They seem to have something very urgent to tell you, sir. Well, what's wrong? The line went dead, sir. What do you got there? Only the first word, sir. Geronimo. Mais le temps avance, les diligences vont disparaître, les convois de chariots bâchés aussi, comme a disparu le Pony Express. parce que voilà que des entrepreneurs puissamment armés au point de vue finance vont projeter un chemin de fer qui a pour ambition de traverser le continent. Et ce sera l'épopée, une nouvelle phase de l'épopée, l'épopée du rail. Le chemin de fer commence à l'est, la première ligne de chemin de fer entre Baltimore et les Appalaches date de 1832. Elise Marienstrasse. C'est vraiment la bonne période, c'est la période où on commence à aller à l'ouest, mais le chemin de fer sert surtout pour les relations de l'est. Puis, petit à petit, il atteindra Saint-Louis, il atteindra le Missouri et le Mississippi, et dans les années 1850, il y aura un réseau très dense à l'est et quelques pointes au-delà du Mississippi, mais vraiment encore très peu. Et c'est grâce à la guerre de sécession, c'est pendant la guerre de sécession, que les constructeurs de chemins de fer parviennent à faire voter par un congrès dans lequel les gens du Sud sont absents, puisqu'ils ont fait sécession, donc c'est uniquement les gens du Nord. Ils parviennent à faire voter une loi qui va donner une sorte de monopole à la compagnie de chemin de fer pour construire le transcontinental qui va entièrement relier le Pacifique à l'Atlantique en partant donc de Saint-Louis du Missouri. Et le résultat, en effet, en est que entre l'extrême ouest, le far west et l'est, eh bien, il n'y aura plus ce fossé, cette frontière infranchissable que l'on croyait exister avant. Et on voit là se réaliser, en fait, se concrétiser, ce qui existait précédemment, mais dont on avait moins conscience, c'est que l'Ouest ne pouvait pas exister sans l'Est. Et inversement, c'est que l'Ouest ne s'est développé. Les gens n'ont pu aller à l'Ouest que grâce à l'industrialisation de l'Est. Les chemins de fer de l'Ouest, c'est parce que les régions, surtout du Nord-Est, de la Nouvelle-Angleterre, se sont très fortement industrialisé parce qu'il s'y est développé une sidérurgie importante. C'est pour cette raison qu'on a pu aller vers l'Ouest. Et inversement, c'est parce que l'Ouest a pu expédier son bétail, ses céréales et toute sa nourriture vers ces villes qui se développaient à l'Ouest que ces villes ont pu en effet prendre la croissance qu'on a connue au cours du 19e siècle. Donc les deux destins de l'Ouest et de l'Est sont absolument liés et c'est à peine si on peut les distinguer. À Omaha, sur le Missouri, commence la construction de l'Union Pacifique. À San Francisco, à Sacramento, commence la construction d'une ligne qui va vers l'est, à la rencontre de la précédente, et qui est administrée par la Central Pacific. Arrêtez! Attention, posez! Fixez! Où les as-tu trouvés? À 2 kilomètres d'ici, à peu près. C'est Johnny Orbatz. Et Jack Perkins. Alors quoi, vous croyez à une partie de plaisir? Les Indiens ont tué 2 de nos hommes et je... Mon vieux, vous étiez le contremaître. Maintenant, vous êtes poseur de rails. Allez, tout le monde au travail. Au travail. En vitesse. Oh, Monsieur. Vous serez le nouveau contremaître, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de mieux. Entendez. Allez, au travail. Attendez une minute. Remuez-vous. Centrale Pacifique d'un côté, l'Union Pacifique de l'autre, vont pendant des mois et des mois poursuivre leurs efforts pour ajouter un rail à un autre rail. Exactement comme, quelque temps auparavant, la Western Union avait ajouté un fil à un autre fil. Et en 1869, c'est la première rencontre, le 10 mai, sur le plateau, un plateau au nord du Grand Lac Salé, Promontory Point, la rencontre entre ces deux lignes date extrêmement importante dans l'histoire de l'Ouest. Maintenant, on peut traverser l'Ouest confortablement à bord des fameux wagons construits par M. Pullman. M. Pullman a réfléchi depuis longtemps à ce problème. Il avait déjà une société qui construisait des wagons pour le réseau de l'Est et c'est l'occasion pour lui de montrer ce qu'il sait faire. Il va concevoir différents modèles avant d'atteindre un succès considérable avec son fameux Pullman, sleeping car, dining car, etc. Si bien que la mode veut que maintenant on traverse les plaines à bord de ces confortables palaces. Pour nous, Européens, les ponts des chemins de fer paraissaient souvent peu sûrs, en raison de leur hauteur et du fait qu'ils étaient construits d'arbres simplement jointés les uns avec les autres. Au passage du train, ils crissaient, craquaient et tremblaient comme s'ils allaient s'écrouler sous son poids. Mais ce qui était merveilleux, et que nous n'avions pas encore en Europe, c'était les wagons-lits. Pullman avait imaginé un système fort ingénieux de couchettes rabattables qui transformait le wagon en dortoir. L'espace entre chaque double siège se transforme en une couchette au moyen des dossiers mobiles qu'on enlève et qu'on rapproche horizontalement au niveau des deux places qui se font vis-à-vis. Sur cette couchette, on étend un matelas. On jette dessus un drap, un traversin, un oreiller, des couvertures. Et voilà un lit improvisé. Transcontinental, il ne faut pas se faire d'illusions. Vous savez, c'était un train qui roulait environ à 30 ou 35 km à l'heure. On avait le temps de voir le paysage, on avait aussi le temps de chasser quelques bisons. Et oui, pourquoi ? Parce qu'à cette époque, les troupeaux de bisons étaient encore très nombreux dans les plaines. Et on cite le cas de trains qui durent attendre parfois 2-3 jours, stoppés en pleine nature, pour permettre à un troupeau de bisons de franchir la voie sans dommage pour le train, parce qu'il est certain que les bisons auraient résisté davantage que la locomotive. Ainsi, l'Ouest maintenant est traversé quotidiennement, une part de l'épopée va disparaître, bien sûr, l'aventure. L'aventure est reléguée un peu au musée des accessoires, et ça va être le temps où il faudra parler de choses encore beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire s'installer dans cet ouest et essayer d'y construire sa vie. Un peu de vin, monsieur Andros? Ah non, merci. L'état, il va falloir que je rejoigne mes hommes. Il nous reste un pan de montagne à faire sauter. Mais vous êtes obligé d'attendre la fin de la tempête. Dites-moi, pourquoi avoir choisi cet endroit pour bâtir? Qui a pu vous apprendre que le chemin de fer passerait par ici? J'ai fait l'an passé la connaissance de votre géomètre et nous avons échangé quelques confidences. Quand vous aurez achevé de construire la ligne, à combien estimerez-vous la valeur de cette propriété? Vous pourrez la revendre son poids d'or. J'ai besoin d'un associé. Besoin de quelqu'un sur qui je puisse compter. Je tire très mal au revolver, je ne vous serai d'aucune utilité. Avez-vous réfléchi que je vous offrais la chance de devenir riche? Une belle chance d'être tué, devriez-vous plutôt dire. Vous subissez l'influence de mes chers amis Emma et MacIvers. Je sais que vos ennemis sont très forts. Beaucoup trop forts pour moi, je le reconnais. Mais je vous souhaite bonne chance, Vienna. Je vous souhaite de tout cœur de réussir. Merci, monsieur Andrews, mais je ne crois guère à la chance. La réussite dans ce genre d'affaires n'a jamais dépendu d'un trèfle à quatre feuilles. Et je suis certaine que... Attendiez-vous de la visite? Non, pas ce soir. Le western nous a laissé de cette période de nombreuses illustrations. Et tout le monde a en mémoire les fameuses diligences, les coursiers rapides du Pony Express et les halètements de la cheminée si caractéristique des petites locomotives du Far West. Citons, pour être plus précis, un western magnifique de Cecil B. DeMille, intitulé en français « Pacific Express », c'est-à-dire l'évocation de la construction du premier chemin de fer transcontinental, mais rappelons aussi, afin de lui rendre hommage, que John Ford, dès 1924, avait illustré le même sujet avec la même fougue, le même talent et la même passion sous le titre « Le cheval de fer », qui reste un des très grands classiques de l'histoire de western. « Le cheval de fer » 1924, « Pacific Express » 1939. Mais à cette époque également, un an auparavant, c'était le très beau film de Fritz Lang intitulé Western Union. Puis d'autres films ont traité de l'histoire de la Wells Fargo et en particulier un film d'avant-guerre intitulé Une nation en marche. Si bien que déjà l'épopée par les épisodes qu'elle présente, par leur dynamisme, par leur exotisme, par leur couleur en un mot, leur couleur propre, a inspiré évidemment une littérature abondante et il était tout à fait normal que le western puise dans ses épisodes le sujet de ses illustrations les plus remarquables. Black settlers and massacres. Waxter, read all about it. Waxter. Dog! Winifred! Plantagenet. Good to see you. Welcome to Dodge City. Ladies. Girls. Come on in. gentlemen, if you please. Ace, king, and a jack. Ace bets. Check. Wait a minute. How come you check with an ace showing? Was that an ace? Blind as a bat. Now, Marshal, you can see right through to my ace nose. What's your ace worth, mate? Check. $5 for the start. Ces populations qui constituent des villes au bout de quelques années, et quelquefois les villes, vous savez, en 6 mois, elles naissaient, avaient-elles un niveau de s'intéressaient-elles à la culture, et quel était le niveau de cette culture? Eh bien, cela dépend évidemment de la région. On ne peut point comparer une ville de bétail, ce qu'on appelait une ville de bétail, comme les villes du centre, les plaines au Kansas, Dodge City, Abilene par exemple, avec une ville minière, comme Virginia City, comme Denver, comme Leadville au Colorado, comme Tombstone. Non, la ville minière nous donne une image assez précise des préoccupations culturelles de sa population. Les mines deviennent très rapidement propriété de quelques gros bonnets, des gens qui vont faire une fortune rapide. Je pense en particulier à ceux que l'on appela les quatre grands de Virginia City. Bon, ceux-là ont de l'argent. Première chose, ils se font construire un hôtel particulier très luxueux. Ils n'hésitent pas à envoyer leurs représentants acheter en Europe tout ce qui se fait de plus bon en matière de tapis, en matière de verrerie, etc., d'argenterie. Bon. Ça va être très luxueux, ils vont devenir les rois, littéralement les rois. Puis, ils vont doter leur ville d'un établissement culturel. Et en particulier, la première chose, c'est un opéra. On construit un théâtre, il peut y avoir le théâtre d'un côté et l'opéra de l'autre. Toujours très luxueux. C'est le cas, par exemple, à Virginia City. C'est le cas à Leadville. À Leadville, où l'on a trouvé de l'argent, où l'on peut visiter encore aujourd'hui ce qui fut l'opéra du mania de la région qui s'appelait Tabor. Il y a une magnifique histoire au sujet de Tabor. Tabor fait construire un opéra, fait construire tout un quartier à Denver avec un opéra également. Et dans cet opéra, on joue le répertoire qui est à la mode en Europe à cette époque. On joue Puccini, par exemple, on joue Verdi, on joue La Traviata, etc. De grandes vedettes de New York viennent jouer dans ces villes de l'Ouest et font des véritables tournées dans les centres importants, dans le domaine de l'opéra. Carmen, darling, please marry me. Oh, be my little bumblebee. You're the honey that'll sweeten our lives. Instead of children, we'll both have hives. They'll both have hives. I cannot marry you, my Don, 'cause I'm in love with another one. He fights the ball in the arena. I could do that if I ate farina. Oh, no, you couldn't. Oh, yes, I could. Oh, no, you couldn't. Oh, yes, I could. Oh, no, you couldn't. Oh, yes, I could. Oh, no, you couldn't. Oh, yes, I could. The Toreador's for me. Oh, no, that cannot be. The Toreador's for me. Oh, no, that cannot be. The Toreador's for me. Oh, he's not the one I know. He is mine. I'm mine of himself. Oh, no, he... Parmi les nouveaux riches de l'Ouest, il était de bon ton de jouer les mécènes. H.A.W. Tabor avait consacré $1 million à la construction de l'opéra de Denver. Le jour de l'inauguration, cet ami des arts avisa deux portraits qui trônaient dans le foyer et demanda de qui il s'agissait. À gauche, Shakespeare. À droite, Puccini, lui répondait-on. Qui ça ? Demanda notre homme. C'est l'auteur dramatique anglais et le compositeur italien les plus illustres du monde. Quoi ? S'indigna le bailleur de fonds. Deux étrangers qui n'ont jamais mis les pieds dans le Colorado ? Qu'on décroche tout ça immédiatement et qu'on mette mon portrait et celui de ma femme à la place. Encore aujourd'hui, on peut contempler les portraits de Monsieur et Madame Tabor dans le foyer de l'Opéra de Denver. Se passionne pour la musique classique, pour l'opéra proprement dit, je ne parle pas de l'opérette, mais l'opéra, mais naît aussi une sorte d'opérette qui a ses racines dans la vie quotidienne. Ces personnages qui aujourd'hui représentent, sous un jour parfois burlesque, cette population de l'Ouest avec des histoires nées sur place, c'est-à-dire réellement nées du folklore, on les retrouve sur la scène. Der Gott an Jagd war ein Jagd wie sein Abhänger. Was macht es wie doch, dann ist der Weg. Chuta wo chung wo po zu, wo cha da wo pa wo fu ching chu, wo chi zu ta wo yao xiang chen zu. Da ma ya du ya zan is ya yu kan da bi bu du ya te cha yu no yu na yu ho te da yu. Got a dream boy, got a song. Make your wagon and come along. Where am I going? I don't know. When will I be there? I ain't certain. What will I get? I ain't equipped to say. But who gives a damn? Who gives a damn? Who gives a damn? We're on our way. But who gives a damn? Il y a aussi les bibliothèques. Ah, première préoccupation, après l'opéra, c'est la bibliothèque. C'est millionnaires en dollars à cause des mines d'or ou d'argent qu'ils possèdent sont des gens qui veulent briller auprès de leurs concitoyens et ils vont dépenser des fortunes pour doter les communautés d'établissements culturels, en particulier la bibliothèque. Bon, il y a le théâtre. Alors le théâtre, ça, c'est indispensable dans une ville minière. Le théâtre, et on verra au théâtre de grandes vedettes. Et je citerai pour mémoire un très beau film de Georges Cukor, intitulé « La diablesse en col rose ». C'est le titre français, avec une merveilleuse Sophia Loren, dans le rôle de Isa Menken, qui fut une grande comédienne de l'époque, et dont le titre de gloire était son interprétation dans pièce célèbre Mazeppa. Mazeppa, ça fait le tour des théâtres de l'Ouest. On jouait Mazeppa au Nevada, on jouait Mazeppa à Tombstone. Puis il faut aussi penser aux chanteurs locaux, aux gens qui se produisaient dans les salons de ces, je dis bien dans les salons de ces hôtels particuliers. L'art populaire. Il y a le piano, il y a le banjo, alors ça, c'est l'orchestre pour le saloon, hein, qui a toujours un fond musical. Mais le saloon, c'est un endroit où, au contraire des westerns, on ne se bagarre pas forcément. C'est un endroit qui est l'équivalent du café, un lieu de rencontre. Eh, Guano, T'en veux un peu? Vas-y, serre-toi. Discute des affaires, de même que dans les lobbies, dans les grands vestibules des hôtels. Bibliothèque, la lecture, oui, et le grand roi, celui qui arrive en tête du box-office pour les livres, c'est Shakespeare. Shakespeare, il est partout. Même Kit Carson ou Jim Bridger, surtout Jim Bridger, qui fut un des plus célèbres hommes de la montagne, qui ne savait pas lire, se faisait lire pendant l'hiver, durant le temps de l'hivernage, se faisait lire Shakespeare. On aimait Shakespeare, on aimait Walter Scott. Ces livres étaient édités dans des éditions à bon marché. C'était assez surprenant de voir ces gens s'intéresser à Shakespeare. Qu'est-ce qui leur plaisait dans Shakespeare? Peut-être le lyrisme, peut-être certains côtés de violence, peut-être. Et surtout la une grande vérité dans les personnages. Quoi. L'Ouest était une terre d'avenir pour les femmes. Mais elles ont dû repousser les attaques des Indiens, supporter la faim et les privations. La plupart des femmes de l'Ouest, lasses de n'être que la bourgeoise d'un mari, ont voulu satisfaire des aspirations longuement contenues. Certaines cultivaient leurs propres terres, d'autres s'insurgeaient contre tous les interdits et prenaient des emplois masculins, même dans les professions libérales. En 1890, les femmes de l'Ouest ont exigé le droit de voter. Elles l'ont obtenu dans 4 États de l'Ouest, bien avant 1900. Far West, c'était toutes les tâches qui étaient attribuées à la femme traditionnellement dans les villes de l'Est américain. Elle les avait à l'Ouest et elles étaient toutes multipliées dans la difficulté. Donc, c'était des femmes qui devaient être, et ça, les Westerns en rendent compte généralement, qui devaient être beaucoup plus résistantes. Et finalement, il se formait d'ailleurs une sorte de sélection naturelle. Les très vieilles, par exemple, mouraient en route. Et c'était vraiment celles qui pouvaient résister à des conditions qui, il faut tout de même le rappeler, au moins dans les premiers temps, étaient beaucoup plus dures que celles qu'elles avaient connues à l'Est. Ainsi, pendant les voyages, par exemple, je me souviens d'un excellent western qui était un western de femmes, où l'on montrait, c'était uniquement sur le voyage, on montrait une caravane de femmes qui partaient vers l'ouest. Ça n'est pas une invention, il y en a eu, et c'était souvent des jeunes filles d'assez bonne famille, quoique modeste, qui étaient sans dot et qui partaient à l'ouest, le plus souvent pour chercher un mari. et chercher un mari, et grâce au, avec énormément de courage et la volonté de travailler très dur pour s'établir et finalement vivre mieux, avoir un profit de leur travail qui leur permettrait de vivre mieux par la suite. Mais toujours avec une sorte de mentalité paysanne qui liait très étroitement le travail avec le profit du travail et le mieux-être. Ah, oh, t'es-tu alors? Je vous ai dit non. Je me suis promis de ne pas entreprendre le voyage sans un mari. J'ai failli en trouver un cette semaine. Écoutez, on m'a dit qu'il y a 40 hommes pour une femme en Californie. Mademoiselle Clegg, je suis prête à vous payer. L'argent, j'en ai pas besoin. C'est un homme qu'il me faut. N'importe lequel. Bonjour, mesdames. Quelle belle matinée. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas Mademoiselle Lilith Prescott? Non, à moins d'avoir beaucoup d'imagination. Ah, alors, si je ne m'abuse, ce doit être cette demoiselle. Clive Van Valen, mademoiselle, pour vous servir. À votre entière disposition pour aller en Californie. Eh bien, je vous remercie. Mais quoi que ce soit que vous m'offriez, je n'en ai que faire. Peut-être m'avez-vous mal compris. Non, pas du tout. Je sais reconnaître un aventurier au premier coup d'œil. Mademoiselle Prescott, je vous offre d'honnêtes et loyaux services contre d'honnêtes émoluments. Adieu, monsieur Van Valen. Je vous salue. Je suis charmé de vous avoir vu, mademoiselle. Oserais-je vous dire que je n'ai jamais vu une femme avec des cheveux plus ravissants que les vôtres? Quel splendide trophée ils vont faire quand ils seront pendus à la ceinture d'un Indien. Deux beautés toutes seules en plein désert. Et qui va les protéger? Personne. Pour tous ces gens-là, il n'y a qu'un principe de vrai, chacun pour soi. Eh bien, au revoir, mesdames. Au revoir. Eh bien, ça alors, c'est la première fois qu'on me fait un compliment pareil. Lequel? Il a dit que j'avais des cheveux ravissants. Voyez-vous, mademoiselle Prescott, quelque chose me dit que vous allez attirer les hommes comme un ver attire les poissons. Je pourrais peut-être en attraper un qui passera dans les parages. Vous avez une compagne de route. Come on along, everybody come along, while that moon am shining bright. Come on along and raise your voice and song. We gonna raise a ruckus tonight. Tain't no time to sit and brood. Raise a ruckus tonight. It's time to strike a lively mood. Raise a ruckus tonight. Go and get that old banjo. Raise a ruckus tonight. Just pat your foot and tap your toe. Raise a ruckus tonight. Do you hear me? Come on along. Little children, come along. While that moon am shining bright, come along now, tune up that string and let that banjo ring. We gonna give a ruckus tonight. Sing it out now, come on along, little children, come along. While the moon am shining bright, don't even let go. Ces femmes, donc, lorsqu'elles traversaient, elles ne pouvaient, il ne faut pas oublier, on était dans ces chariots et on ne pouvait pas laver son linge. Même lors des étapes, eh bien, les étapes étaient trop brèves pour qu'on puisse faire sécher le linge. On n'en avait pas tant de rechange. Par conséquent, il fallait souvent attendre un mois, peut-être, avant de pouvoir laver son linge, avant de pouvoir faire une toilette convenable. Pour nourrir les enfants, on avait énormément de difficultés. Dee Brown raconte dans son livre sur les femmes à l'Ouest qu'on transportait les bébés lorsqu'on voyageait à dos de mulet. On transportait les bébés dans des sortes de couffins accrochés sur les flancs de la mule. ou bien on les portait, lorsqu'on montait directement la mule en Amazon, alors on portait le bébé d'un bras et on tenait les rênes de l'autre. Et on faisait toute la traversée des 1500, 2000 kilomètres, suivant le lieu d'où on était parti, de cette manière. Alors il fallait donc des femmes qui étaient fortes au départ. Ensuite, lorsqu'elles s'établissent, prenez la femme de Bost, par exemple, qui arrive directement de Suisse pour épouser ce jeune homme qu'elle a connu dans son enfance. Elle l'épouse, il n'a pas un sou. Et ils arrivent enfin, à force d'économie, à acheter à crédit une petite ferme dans le Minnesota. Eh bien, elle travaille aussi dur que lui. Alors, c'est là où le western nous trompe un peu, c'est qu'il monte la femme en épingle, il la montre comme très différente de l'homme, avec des tâches très différenciées, et toujours, bon, avec ce rôle un petit peu quand même de femme-objet, puisque c'est la femme de saloon, c'est la pionnière qui porte les pantalons, etc. J'ai le ranch le plus grand de toute la région. On ne le traverserait pas en une journée de cheval. Cette terre vaudra cher, plus vite que vous ne le croyez. Vous voulez un mari riche? Eh bien, regardez-moi. Vous n'aurez pas autre chose à faire à la maison que d'élever les gosses. Bon, elle ne défrichait pas, peut-être, c'était pas elle qui abattait les arbres, mais c'était elle, tout de même, qui nourrissait les bêtes, c'était elle qui aidait le mari dans la culture des champs, puisque, ça, c'est une chose qu'on connaît à l'Ouest, l'agriculture est une agriculture où on n'emploie pratiquement pas d'ouvriers. Au cours du 19e siècle. C'est un type d'agriculture familiale, on travaille en famille. Eh bien, la femme ne se contente pas de cuisiner pour son frère et son mari. Elle aide également aux travaux des champs, elle s'occupe des bêtes, elle aide même à la construction de la maison, puisqu'on construit généralement toujours la maison au départ. Alors, elles ont une fonction qui est semblable à la fonction des femmes, aux fonctions des femmes de l'Est, dans les villes et dans les campagnes de l'Est, mais ces fonctions, elles les exécutent avec beaucoup plus de difficultés que leurs semblables de l'Est. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'elles tiennent à côté du mari un rôle qui est un rôle essentiel et égal à celui du mari. Et c'est peut-être pour cela d'ailleurs que ce sont les femmes de l'Ouest qui ont commencé les premières à manifester pour l'égalité, au moins politique, des femmes et des hommes. Et aussi parce qu'elles ont eu des fonctions qui étaient des fonctions d'hommes. Certaines ont joué le rôle de guide, d'autres ont été des chercheuses d'or, par exemple. Donc des métiers ou des occupations qui n'étaient pas des occupations féminines à l'origine. D'autres ont été des hors-la-loi ou ont vécu avec des hors-la-loi. Donc l'Ouest a créé tout de même chez certaines femmes un stimulant pour que toutes leurs potentialités se sont exprimées de cette façon. Oh, what was your name in the States? Was it Thompson or Johnson or Bates? Did you happen to draw on your mother-in-law or sink the old lady with weights? My friend, hey, what was your name in the States? Come on, pipe up, boys. What was your name in the States? Was it Murphy, McDonald or Gates? Did you hold up a bank as a juvenile prank and pack up the money in crates? My friend, what was your name in the States? Tell the truth. Oh, what was your name in the States? Now you must have had some honest traits, I doubt it. Did you try to abscond with a beautiful blonde? Such minor offenses we tolerate. Eh, what was your name in the States? Sure, and what was your name in New York? And was it Clancy or Toole or O'Rourke? Are you wanted for life 'cause you left your poor wife when she caught you sniffing a cork? My friend, hey, what was your name in New York? Oh, what was your name in the East? And how recently was you released? Are you riding the rails 'cause you held up the mails? Was it the females you held, you beast? What was your name in the East? Oh, what was your name in the States? Though you've suffered the cruelest of fates, way out here in the West, is a yes. So line up and fill up your place, my friend, whoever you was in the state. La vie et les exploits des femmes du Far West ont inspiré journalistes, écrivains et compositeurs. When the night falls silently, the night falls silently. Suite à un séjour à New York en 1907, Puccini a composé un opéra intitulé La Fanciulla dell'Ouest, La fille de l'Ouest. They try to tell us we're too young. L'action se déroule en Californie, à l'époque de la ruée vers l'or. Luce hao! Hey! Viul! Hola! Una alma como nayo! Se me reclapa no monogano! Mandayo con oma ho! Clippity clap, clippity clap, clippity clippity clippity clippity clippity clap! La Fanciulla dell'Ouest, c'est mini. La propriétaire du saloon Poca. I think you're a coward through and through. I'm gonna tell the whole town what I think of you. So there! Shooting off your mouth won't get you anywhere. Au lieu de se marier avec Jack Rance, le shérif de la ville, et mener une vie calme et respectable, vous n'aurez pas autre chose à faire à la maison que d'élever les gosses. Minnie décide de partir et commencer une nouvelle vie avec l'homme qu'elle aime. C'est Dick Johnson, le leader d'un gang de hors-la-loi mexicain. Le texte de Mark Twain a été tiré de Roughing It, Vivre à la dure. D'autres textes ont été tirés de la collection Le Far West, publiée par les éditions Time Life. Michel Dupuis, Bernard Maître, Alain Pouget, Serge Libert, Raymond Anna, Joseph Rémiot, Nuit Magnétique, Josette Collin, Pamela Titel, Good Night. Thank you.